Sa part d'arabité. Ta mère là, je lui pense et j'abatte. C'est le seul jour où tu bouffes pas sa chatte. Ta mère là, je lui parle de sa pute. Quand t'es un peu nerveux, c'est du culbut. Mais mec, la chatte que je suis. Sois plus sympa avec les youpins. Après tout, ce sont tes cousins. Tu fourres ta race ou le peuple élu. Ton gamin de merde aura les crochus. Ta mère la juive quand c'est Shabbat. C'est le seul jour où tu bouffes pas sa chatte. Oh, ça veut que tu sois un pas juste pour bouffer du poulet. Y'a ta sœur l'obèse qui jaune à toute heure pour élargir son derge contre un boxmaster. Lorsque Boubacar finit son bucket, elle l'emmène au goth bouffer sa kékène. Ton neveu c'est sûr ce sera pas une tête, mais au moins il sera bon au basket. Moi je file un brancard à tous les Algériens. Remboursé par la Smala, faut bien aider les siens. On vous enverra pas les cadavres par la poste. Ils iront plutôt tout droit, direction le compost. À tous les racalés de la race, les roumains et les beurs, les privés des yeux bleus, les exclus de la blancheur. Si nous pensons à vous, c'est pour Adolf Hitler. Vos noms ne grossiront pas la liste de Schindler. Zig zig zig zig zig zig hi. Zig zig zig zig zig zig hi. Zig zig zig zig zig zig zig hi. Aujourd'hui, vous avez le droit d'aller en camp de concentration. Ce sera pas juste pour quelques mois. Vous méritez bien plus que ça. Je te promets pas de l'oasis bâtard, ni gigatacos tous les soirs. T'auras jamais été aussi maigre qu'en sortant des restos du nègre. Intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Si j'avais la DeLorean de Marty McFly, j'irais en 35, il y avait un peu moins de kleptomanes. Je ferais un golf avec Adolf, un bowling avec Göring, un flipper avec Himmler, un lancer de main avec Goebbels. Zig zig zig zig heil. Zig zig zig zig heil. Zig zig zig zig zig heil. Les bigots dans leur cap, ils se touchent. Quand en France ils se font dépuiser par des tiens louches. Se vider tout seul c'est vraiment trop nul. Plus on a de nul, plus on s'encule. Déambuler en tuer là-bas, ça fait un peu péter, tu crois pas. C'est pas à la mosquée qu'il faut aller carrière, mais plutôt à la fistinière. Avec ta BM, je t'allouais à Carrefour pour le week-end. Mais c'est pas facile de choper de la française quand on soit à 15 bornes la merguez. Ça fait style chemin en vin, mais ça va squatter sur 36-15 humains. Ce qui fait bander les nuls, c'est pas les turlutes, c'est de se faire enculer par l'envers les pieds. Putain de bougnoul passif, y'a clairement pas d'ambiguïté. Quand on est si agressif, c'est qu'en son cul on s'en soit du chier. Sale bougnoul, tu t'appelles Janet. Je te fais sucer la bite par ta mère. La putain de Mouquère est la masse sévère. Elle aurait t'en foutrait celui de tes frères. Faut pas s'étonner, sale melon, d'être aussi moche et aussi con. C'est ce qui arrive quand par malheur ta maman c'est aussi ta sœur. J'aime bien ça tailler les juifs, et pourtant vous avez le même pif. Les jours où tu te comportes bien, c'est pour faire style comme les humains. Putain de melon trisomique, trop de pines des troncs judaïques. Jamais ton trône tu n'abdiques, tu fonds de la fosse sceptique. J'ai condamné cette phrase, je l'ai condamné. Il est venu le temps des sales bougnoules. Le monde est entré dans un nouveau mille nègres. Dans les rues partout y'a que des kebabs. les Français en ont assez de voir leur pays islamisé, souillé sans vergogne par la racaille et les journaux à la télévision. Les merdias cachent aux Français la vérité concernant la criminalité qui n'est pas due au locoderme et aux étrangers et aux halogènes. Charles le Chauve, si tu voyais ce qu'est devenu la nation, phagocyté par les Israélites et envahi par les halogènes. Charles le Chauve, si tu voyais ce qu'est devenu notre beau pays, phagocyté par les cosmopolites et envahi par les étrangers. Les Français en ont assez de voir leur pays déshonoré, souillé sans vergogne par les halogènes et les Israélites à la télévision. Les merdias cachent aux Français la vérité concernant la criminalité qui n'est pas due au locoderme et aux étrangers et aux halogènes. Charles le Chauve, si tu voyais ce qu'est devenu la nation, phagocyté par les Israélites et envahi par les halogènes. Charles le Chauve, si tu voyais ce qu'est devenu notre beau pays, phagocyté par les cosmopolites et envahi par les étrangers. Sale bougnou! Y'a des problèmes! Algérie représente. Je rentre au Pôle emploi, ça va faire toc, toc, toc. Sale bougnou, le ouais, les bougnous, les bougnous. Ah, cousin, retourne au bled. Oh, les bougnous. Ah, sale bougnoul. Les bougnous, ah, les bougnous. Ouais, les bougnous. Oh, les bougnous, les maigres. Et les maigres, oh, le sale maigre. Oh, les bougnous, oh, les bougnous. Sale bougnous, sale bougnous. Les bougnous, oh, sale bougnous, sale bougnous. Me présente à pas contre les formes du match, je suis nationaliste radical. Je ne veux pas d'une France laïque, avec mes potes on travaille jour et nuit. Collage d'affiches contre la démocratie et tout ce qui me merde. Moi j'ai rien à faire, nous on est nationalistes organisés. Nous sommes tous motivés, les entrepreneurs nous traitent de cons. C'est gauche, c'est traiteur fou de notre pays. Ça va tout doucement, français, réveillez-vous. à dégueuler et brûler plus que nous aider. Putain j'entends une armée de crânes rasés et pas nous faire à marcher, nous sommes prêts à fusiller. Peuple en rouge, peuple en rouge, la France n'est pas à genoux. Peuple en rouge, allez viens on bouge. Peuple en rouge, la France n'est pas à genoux. Peuple en rouge, allez viens on bouge. C'est Hugo et toutes les mères de collabo, il faut les punir, les faire souffrir. La guerre c'est sale et bientôt personne ne pourra nous arrêter. Antifa, fais gaffe toi, t'auras mes rangs de gueule de collabo, je suis sorti avec ma chevelure. Je suis un digne nation et j'en ai marre de cette pute de collabo. Je lutte pour la cause, je serai mort pour ma patrie. Toute la vie sera comme ça, jamais je serai copain. Ah ah ah, avec les Antifa. Peuple en rouge, peuple en rouge, la France n'est pas à genoux. Peuple en rouge, peuple en rouge, allez viens on bouge. Peuple en rouge, peuple en rouge, la France n'est pas à genoux. Peuple en rouge, peuple en rouge, allez viens on bouge. Sick eye. Hoi hoi.